Mes frères, inshallah, inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc qu'est-ce qu'on va lire ensemble, c'est un petit livre avec Cheikh Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali, c'est l'auteur de ce petit livre, et le livre ça s'appelle وقفات مع سورة الزمر. وقفات مع سورة الزمر. Donc c'est-à-dire là, le cheikh il prend quelques versets dans sourate az-zumar puis il les explique. Donc c'est comme le tafsir en fait. C'est des réflexions. Donc il commence du verset 65 jusqu'au verset 74. Donc on va lire ça ensemble. نعم توك بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى لقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. نعم. Donc, je vais lire verset par verset pour que ce soit mieux. Ça va être moins long. Le verset 65. En effet, il t'a été révélé, c'est-à-dire à toi, c'est-à-dire au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé, c'est-à-dire à ceux qui ont précédé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Si tu donnes des associés à Allah, si tu fais le shirk avec Allah, ton œuvre sera vaine. Allah va annuler tes œuvres. Et tu seras, certes, du nombre des perdants. Tout au contraire, adore Allah seul et sois du nombre des reconnaissants. Après il dit وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبَّتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصُعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. Donc ensuite c'est les versets 66 et 67. Ils n'ont pas estimé Allah comme il devait l'être, c'est-à-dire ils n'ont pas estimé Allah comme il mérite, alors qu'au jour de la résurrection il fera de la terre entière une poignée. Donc Allah subhanahu wa ta'ala va faire une poignée de la terre entière et les cieux et la terre seront pliés dans sa main droite. Donc les cieux et la terre tout entier, ce sera tout plié dans la main droite d'Allah subhanahu wa ta'ala. Gloire à lui, il est au-dessus de ce qu'il lui associe. C'est-à-dire qu'il soit exalté du shirk qu'ils font avec lui. Ensuite il dit dans le verset 68 « Et on soufflera dans la trompe et voilà que ceux qui seront dans les cieux et ceux qui seront sur la terre seront foudroyés, sauf ceux que Allah voudra épargner. Puis il soufflera à nouveau, et les voilà debout à regarder. » C'est-à-dire, le premier coup, ils sont foudroyés. Le deuxième coup, ils soufflent encore un autre coup de la trompe, et yani, ils sont debout à regarder. Et ensuite, ça dit... وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. Donc ensuite il dit ce qui signifie et la terre resplendira de la lumière de ton Seigneur. Donc la terre va être illuminée et éclairé de la lumière de son Seigneur, et le livre sera déposé, et on verra venir les prophètes et les témoins, et on décidera parmi eux en toute équité, et ils ne seront point lésés. Et chaque âme sera pleinement rétribuée pour ce qu'elle aura œuvré. Et il, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, connaît mieux ce qu'ils font. Et ceux qui avaient mécru seront conduits par groupe à l'enfer. Puis quand ils y parviendront, ces portes s'ouvriront et ces gardiens, c'est-à-dire les gardiens de l'enfer, diront « Des messagers choisis parmi vous ne sont-ils pas venus, vous récitant les versets de votre Seigneur et vous vous avertissant de la rencontre de votre jour que voici ?» Ils diront « Si », c'est-à-dire « Oui, il y a des messagers qui sont venus, mais le décret du châtiment s'est avéré juste contre les mécréants. « Entrez, leur dira-t-on, par les portes de l'enfer, pour y demeurer éternellement. Qu'il est mauvais le lieu de séjour des orgueilleux. » Et ensuite, وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie: et ceux qui avaient créé leur Seigneur seront conduits par groupe au paradis. Puis, quand ils y parviendront et que ces portes s'ouvriront, ces gardiens leur diront « Salut à vous, hein? Salamun alaykum, hein? Vous avez été bon, entrez donc pour y demeurer éternellement. » Et ils diront « Louange à Allah qui nous a tenu sa promesse et nous a fait hériter la terre. Nous allons, hein? » c'est-à-dire la terre du paradis, hein? « Nous allons nous y installer dans le paradis, là où nous voulons. Que la récompense de ceux qui font le bien est excellente. » Des fois, juste en passant par rapport à ce verset, les témoins de Jéhovah, ils disent que, ou ils croient que le paradis c'est sur cette terre. Ils ne croient pas qu'il y a un paradis la récompense des croyants c'est dans le paradis. Alors, des fois, ils veulent argumenter avec les musulmans, ils ramènent des versets du Coran pour essayer de débattre avec les musulmans, subhanallah, et puis il cite ça, hein, il nous a fait hériter la terre. Donc il s'imagine que, bon, ça confirme qu'est-ce qu'eux ils disent, mais juste après Allah subhanahu wa ta'ala il dit nous allons nous installer dans le paradis, là où nous voulons. Et puis il y a des versets et des hadiths dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne que le paradis est plus large que les cieux et la terre. Donc, ça c'est les versets que le cheikh a expliqués. Donc maintenant il commence, il dit « Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda. Man fahima hadhihi l'ayat allati lam tada' maqalan liqailin kaffathu amma siwaha wa mada sayakunu kalami hawla hadhihi l'ayat innahu kalamullah. » Il dit louange à Allah et paix et salut sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et sur sa famille et ses compagnons et ceux qui ont suivi sa guidance. Il dit celui qui a compris ces versets-là, ces versets n'ont rien laissé pour quiconque de rajouter quoi que ce soit. C'est suffisant si tu lis ces versets-là. c'est suffisant, tu n'as pas besoin de lire d'autres, tellement c'est clair. Il dit donc, qu'est-ce que je vais dire moi autour de ces versets-là? C'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, وَفِي هَذِي الْآيَاتِ تَحْذِيرُ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مِنَ الشِّرْكِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ الظُّنُوبُ وَأَعْظَمُ الظُّلْمُ. Donc il dit ces versets, et dans ces versets il y a la menace, l'avertissement d'Allah subhanahu wa ta'ala envers le shirk, l'association avec Allah, qui est parmi les plus grands péchés et les plus grandes injustices. Allah يتهدد عباده بأنهم إذا وقعوا في الشرك ليحبطن أعمالهم يقولها للأنبياء. إذا كان هذا الوعيد للأنبياء فكيف بالناس الآخرين؟ Donc le cheikh il dit, ces versets, Allah subhanahu wa ta'ala, il menace dedans ses serviteurs en disant que s'ils font le shirk, s'ils tombent dans le shirk, Allah subhanahu wa ta'ala va annuler leurs œuvres, va les rendre vaines. Et il dit ça à qui? Il dit ça aux prophètes d'Allah. Donc s'il va rendre les œuvres des prophètes nulles s'ils commettent le shirk, et il dit ça aux prophètes, alors imaginez comment ça peut être grave comme menace pour les autres. Il dit, ensuite il dit, يقول عز وجل ولقد أوحي إليك يا محمد وإلى الذين من قبلك من الأنبياء قيل لكل واحد منهم لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. هنا تظهر عظمة الله تبارك وتعالى وجلاله يتضاءل أمامه كل شيء سبحانه وتعالى. الأنبياء على منزلتهم الرفيعة يهددهم الله كما هدد الملائكة ويهدد كل من يعصيه سبحانه وتعالى الجبار القهار. كل شيء يخضع لجلاله وعظمته ويذل أمامه سبحانه وتعالى ولا يتعظمه شيء سبحانه وتعالى. Donc le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset, il t'a été révélé, c'est-à-dire à toi ô Muhammad, et à ceux qui t'ont précédé parmi les qui sont venus avant toi, c'est-à-dire avant les prophètes, qui sont venus parmi les prophètes avant toi. Et on a dit, certains ont dit à chacun d'entre les prophètes, c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et à tous les autres qui l'ont précédé que s'ils commettaient le shirk, ses œuvres seraient rendues vaines, seraient complètement annulées, et ils deviendraient du nombre des perdants. Et c'est là qu'on voit la grandeur apparaître, la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa majesté, et comment tout s'écrase devant lui. Même les prophètes avec leur degré élevé, Allah il les menace. Allah il les menace. Comme il a menacé même les anges. Et il cite le verset en bas, en note de bas de page. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. C'est les versets 27 à 29 dans Sourate Al-Anbiya, dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala il dit que ils ont dit que le tout miséricordieux a pris un fils, gloire à lui, mais ce sont plutôt des serviteurs honorés. Ils ne le précèdent même pas de la parole et ils n'agissent que selon son ordre. Il sait ce qui est devant eux, ce qui est derrière eux, et ils ne peuvent intercéder que pour celui qu'il a agréé. Et ils sont remplis de crainte, ils sont remplis de sa crainte. Et quiconque d'entre eux dirait « Je suis une divinité en dehors de lui », alors celui-là nous le rétribuerons par l'enfer, et c'est ainsi que nous rétribuons les injustes. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il menace toute personne qui le désobéit. Il est al-Jabbar al-Qahir. Al-Jabbar al-Qahir. Al-Jabbar, c'est-à-dire celui qui a la force, la puissance, et qui est le contraignant, au-dessus de ses serviteurs. Toute chose se soumet devant sa majesté et sa grandeur et s'humilie devant lui. Alors, il n'y a rien qui peut s'élever ou s'agrandir devant lui et il n'y a rien qui est trop grand pour lui. Il dit « Wa la in ashrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna min al-khasirin » Si tu commets le shirk, Allah va annuler tes œuvres et tu deviendras du nombre des perdants. Il dit « Ash-shirk yubtilu al-amal wa law ji'ta bi'a'mali mithla al-jibal » أشركت بالله عز وجل لا ذهبت هباء كل هذه الأعمال تذهب كالرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا donc il dit le shirk il annule toutes tes œuvres même si tu venais avec des œuvres de la hauteur des montagnes que par la suite tu fais du shirk avec Allah toutes tes actions s'en vont en poussière. Hein? Il dit, toutes les œuvres que tu as faites, elles partent comme de la poussière qui est éparpillée par le vent dans un jour de tempête où le vent est fort. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne justement dans Surat al-Furqan, le verset 23, et on a estimé ce qu'ils ont fait comme œuvre et on l'a rendu comme de la poussière éparpillée. Fal-nahzar الشرك كبيره وصغيره دقيقه وجليله ونخلص الدين لله رب العالمين لله رب العالمين ونعرف التوحيد بتفاصيله والشرك بتفاصيله ونعرف الشرك تفاصيله حتى لا نقع في شيء منه والتوحيد نعرف تفاصيله حتى لا نقصر في شيء منه. Donc il dit, il faut faire attention au shirk, prendre garde au shirk, que ce soit petit, grand ou petit, hein, des choses qui sont minuscules ou énormes de shirk, c'est pas grave, il faut prendre nos précautions et faire attention et prendre garde au shirk. Il ne faut pas se sentir en sécurité, comme les frères aujourd'hui, on a donné un dars plus tôt aujourd'hui, et le frère Abdel Karim était là après le Dhuhr et il discutait, lui et le frère, et il disait il y a des gens qui pensent comme si tu apprends le tawhid, ça c'est juste pour les convertis, mais pour les gens qui sont nés musulmans, pas besoin d'apprendre le tawhid parce que comme si ils le connaissent de la naissance. Non, c'est pas vrai. Même Cheikh Al-Fawzan, comme une fois il a dit dans ses durus, apprenez le tawhid, et on enseigne toujours le tawhid, pas juste pour parce que quelqu'un il est né dans un pays musulman. Il dit regardez, ici on est en Arabie Saoudite, hein, et on est dans le pays du tawhid, et il y a l'ulama, il y a tout. Mais qui te dit que dans quelques temps, dans quelques générations, les gens vont pas commencer à oublier et à commettre du shirk? Donc il faut pas cesser d'enseigner le shirk, d'enseigner le danger du shirk et d'enseigner le tawhid aux musulmans, parce qu'il y en a qui pensent que si tu es musulman, tu n'as pas besoin d'étudier le tawhid, tu le connais déjà. Donc ça, c'est une erreur. Et donc, il faut purifier notre religion pour qu'elle soit pure pour Allah seul, le Seigneur des mondes, et il faut connaître le tawhid en détail. C'est pas juste connaître le tawhid comme si tu dis « Oh, je crois en Dieu unique, ça suffit. » Ça, c'est pas connaître le tawhid. Le tawhid, c'est pas ça. Tawhid, c'est beaucoup plus détaillé que ça, beaucoup plus précis que ça. Et donc, il dit, il faut connaître non seulement le tawhid, mais il faut aussi connaître le shirk en détail. Parce qu'il y en a des gens, ils disent, moi, je connais le tawhid, mais le shirk, ils connaissent pas. Donc, quand ils tombent dans des choses qui sont shirk, et ils savent pas que c'est du shirk, parce qu'ils n'ont pas étudié ce qui s'oppose au tawhid. Donc, ça, c'est dangereux. Et le shirk, il dit ensuite, tu connais le shirk en détail pour ne pas tomber dedans. Et tu connais le tawhid en détail pour que tu ne vas pas avoir des manquements dans quoi que ce soit qui a rapport avec le tawhid. Il dit ensuite, وَقَالَ تَعَالَى لَا يَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ وَيَا لَهَا مِنْ خَسَارَةٍ لِأَنَّ عَاقِبَةَ الشِّرْكِ الْخُلُودُ فِي النَّارِ قال عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقال سبحانه حاكيا عن لقمان وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم والعياذ بالله إن الشرك لظلم عظيم دونك للشيخ يزي الله سبحانه يزي si tu fais le shirk, tes œuvres entières vont être annulées. Subhanallah. Et il met Noun al-Tawqid. Noun al-Tawqid, le Noun qui vient rajouter de la confirmation, de l'intensité dans le verbe. La yahbatan. Donc c'est certain qu'il va annuler, qu'il va rendre tes œuvres vaines. C'est pas juste yani, ça yuhbit. Non. La yahbatan. C'est comme si c'est certain qu'il va annuler tes œuvres. Wala takunan. Encore une autre, un noun rajouté, encore pour rajouter de l'emphase. Tu vas être parmi, c'est certain, tu vas être parmi les khasirin. Donc l'arabe, des fois, des verbes comme ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il rajoute des choses pour fortifier encore plus et certifier, confirmer. At-tawqid, comme on dit en arabe. Donc tout ça, c'est clair. Et il dit donc, ça c'est certain que c'est la plus grande des perditions. Il n'y a pas de perdition plus grave que cette sorte de perdition-là quand tu commets le shirk. Il dit, la conclusion du shirk, c'est quoi? C'est le rester dans le feu de l'enfer éternellement. Rester dans le feu de l'enfer éternellement. Donc ça, il n'y a pas une plus grande perte que ça. Et il dit, et Allah Azza wa Jal, il dit dans le Coran que certes, Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas qu'on fasse le shirk avec lui. Mais un autre péché, moindre que le shirk, il le pardonne à qui il veut, mais pas le shirk. Donc ça c'est pour montrer le danger du shirk, que c'est le plus grave de tous les péchés. Et il dit en mentionnant les paroles de Luqman à son fils, il dit, et lorsque Luqman dit à son fils, alors qu'il l'exhortait, « Ô mon fils, ne fais pas de shirk avec Allah, car le shirk est certes la plus grande injustice, la plus grande des injustices. »« Wal'iyadu billah. »« Inna shirka la zulmun azim. » Le shirk, c'est la plus grande des injustices. Il dit, « La yatasawwarahu al-aql, wa la tudrikuhu al-khawatir azim, azimun fi ghayati al-azama. » والذي يستحق صاحبه الخلود في النار أبد الآبدين فنعوذ بالله من الشرك صغيره وكبيره دقيقه وجليله. Donc le cheikh il dit tellement que le shirk c'est une injustice qui est grave et qui est grande, on peut même pas imaginer à quel point elle est grande. Et il dit, même l'imagination ne peut même pas arriver à comprendre à quel point cette injustice, elle est grave, elle est grande. Et c'est la grandeur, yani, de la limite de qu'est-ce que tu peux imaginer comme grandeur dans l'injustice. Donc il dit, c'est à un point tel que celui qui le fait, ce shirk, il mérite d'être éternellement en enfer pour l'éternité. Donc il dit, on demande à observer du shirk, que ce soit petit ou grand, subtil ou énorme, que peu importe. Et il dit, « Balillahu fa'bud wa kum min ash-shakirin » Mais plutôt, c'est Allah seul que tu dois adorer et sois du nombre des reconnaissants. « Ya'ni akhlis ad-din lillahi wahda » Subhanahu wa ta'ala. بل الله فاعبد وهذا حصر العبادة لله وحده لأن تقديم المعمول يقتضي الحصر مثل قوله تعالى إياك نعبد المعنى بل الله فاعبد وحده عز وجل لا تجعل له ندا لا من الملائكة ولا من الجن ولا من الإنس ولا من الأشجار بل أخلص له العبادة وحده وعرف هذه العبادة. Donc le cheikh il dit, mais Allah seul tu dois adorer et sois du nombre des reconnaissants. Purifie ta religion pour qu'elle soit uniquement pour Allah seul, subhanahu wa ta'ala. Et il dit donc que ton adoration soit uniquement pour Allah. Balillaha fa'bud. C'est Allah seul que tu dois adorer. Et donc quand il dit balillaha fa'bud, hein, il n'a pas dit fa'budillah, il a dit balillaha fa'bud. Et quand on inverse, on place l'objet avant le verbe, ça implique quoi? Ça implique que tu viens, limiter l'adoration uniquement à Allah. Parce que tu dis pas adore Allah, tu dis Allah uniquement adore. C'est comme si tu venais dire c'est seulement lui que tu dois adorer. C'est comme quand tu dis Iyyaka na'bud. Allah subhanahu wa ta'ala, il aurait pu nous enseigner le dua na'buduka wa nasta'inu bika. Mais il a dit Iyyaka na'bud. Iyyaka. Ça veut dire c'est toi seul que nous adorons. C'est pas nous t'adorons. C'est toi seul que nous adorons. Parce que si tu dis nous t'adorons, ça peut impliquer nous t'adorons ainsi que d'autres. Mais si tu dis c'est toi seul que nous adorons, là c'est clair qu'il n'y a pas d'autre que Allah qui doit être adoré. Donc c'est pour limiter et restreindre l'adoration pour qu'elle soit uniquement pour Allah. Balillaha fa'bud wahdahu. Et donc tu ne donnes pas d'ego avec Allah, ni de parmi les anges, ni de parmi les djinns, ni les hommes, ni de parmi les arbres. Hein? Mais tu purifies ton adoration uniquement pour Allah. Et tu dois connaître cette adoration-là. Il dit, tu dois connaître cette adoration. اعرف هذه العبادة حتى تعبد الله على علم. Pour que tu puisses adorer Allah avec science. لا تعبده على جهل وضلال. Tu ne vas pas l'adorer avec ignorance et égarement. ادرس هذه العبادة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. Il dit, étudie cette adoration de par le livre d'Allah et la sunna de son messager عليه الصلاة والسلام. افهمها حق الفهم. Comprends-la comme il faut, hein, réellement comme il faut, comme il mérite d'être compris. وتقرب بها إلى الله. Rapproche-toi par cette adoration-là à Allah subhanahu wa ta'ala, لأنه ما خلقك إلا من أجلها. Parce qu'il ne t'a pas créé pour autre chose que pour ça, c'est-à-dire pour l'adorer. وكلفك بعبادة تقوم بها. Il t'a mis la responsabilité, ou il t'a donné comme charge et comme ordre de établir ces adorations-là. وما خلقك من أجل الدنيا فقط. Il ne t'a pas juste créé pour la dunya seulement. Il ne t'a pas juste créé pour que tu jouisses de la vie d'ici-bas. خلق الدنيا للامتحان والابتلاء. Il a créé la dunya pour nous mettre à l'épreuve et pour nous tester. Il dit, يراك أتعبده أتشكره أو لا. Il va voir, hein, il te voit et regarde. Est-ce que tu vas l'adorer? Non. Est-ce que tu vas être reconnaissant envers lui ou non? كما قال تعالى, كما قال تبارك وتعالى, الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Il sait, il dit, Allah a dit, hein, comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, celui qui a créé la mort et la vie pour vous tester, pour vous éprouver, pour voir lequel d'entre vous sera meilleur en œuvre. أحسن عملا. Et il dit, أحسن الناس عملا هو المخلص الموحد. هذا هو أحسن الناس عملا المتمثل لأوامر الله المنتهي عن نواهيه. Donc il dit, la meilleure personne en action, la personne qui agit le mieux, c'est celle qui a purifié sa religion pour Allah seul et qui a unifié Allah subhanahu wa ta'ala en établissant son tawhid. Et c'est lui qui est la meilleure personne en action et en œuvre, celui qui a mis en application les ordres d'Allah et qui s'est arrêté ou qui s'est interdit de faire ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a interdit. Il dit ensuite, wa kum min ash-shakirin, et soit du nombre des reconnaissants. Il dit, wa qad dhakarna ams ta'rif ash-shukr. فالشكر التزام طاعة الله والثناء عليه وحمد الحمد هو الاعتراف بفضله ومنه. Donc il dit, on a expliqué déjà l'explication hier de al-shukr, le remerciement, la reconnaissance, qu'est-ce que ça veut dire. Bon, il donnait probablement un cours de, sur ce sujet-là le jour d'avant. Donc il dit, le shukr, la reconnaissance, c'est de rester sur l'obéissance d'Allah. Wa salaam alayhi, et de faire son éloge, hein, l'éloge d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَحَمْدُهُ وَلِعْتِرَافُ بِفَضْلِهِ وَمَنِّهِ, et de le glorifier et de reconnaître sa grâce et sa faveur. C'est ça la reconnaissance. وَاَعْتِرَافُكَ لَهُ أَنَّكَ لَوْ أَفْنَيْتَ حَيَاتَكَ فِي عِبَادَتِهِ مَا جَازَيْتَ أَدْنَى نِعْمَةٍ مِنْ نِعَمِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Donc le cheikh il dit quoi? Il dit que tu reconnais que si tu avais passé toute ta vie entière dans l'adoration, tu n'aurais même pas pu remettre la plus minime des grâces et des grâces que Allah t'a données. Tu comprends? Tu as passé toute ta vie dans l'adoration d'Allah, la plus petite des grâces que Allah t'a faites, tu ne pouvais même pas lui rembourser. Tu ne pourrais même pas lui remettre. Subhanallah. فَيَجِبُ أَن تَلْهَجُ بقلبك ولسانك وجوارحك بشكر الله تبارك وتعالى. Donc il dit, donc ça prouve que c'est obligatoire pour toi d'être reconnaissant avec Allah subhanahu wa ta'ala, avec ton cœur, avec ta langue et avec ton corps, hein, de remercier Allah subhanahu wa ta'ala par tes, pas seulement avec la langue, que certains disent alhamdulillah. La reconnaissance et le remerciement, c'est avec le corps et avec le cœur et avec la langue. Quand tu fais des actions de bien, et quand tu obéis à Allah, c'est du remerciement. Et quand tu fais des péchés, c'est de l'ingratitude. Hein? C'est de l'ingratitude envers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc je pense qu'on peut s'arrêter ici, hein? Puis on peut continuer le prochain demain ou un autre jour, inshallah, quand on se retrouve. Hein? إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.